Mitchell. Ne quitte pas ton

dois m'en aller, recommencer une autre vie, enfin. On est vraiment fous, tu vois. Mais on est là. Tout s'est effacé. Bon, c'est bon ?